Tech Café, le rendez-vous hebdo sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous enregistrons ce 254e épisode le 7 décembre 2021. Le gouvernement nous propose un nouveau moyen pour nous assurer de la fiabilité d'un site web, lui attribuer et l'obliger à afficher un cyberscore. Un peu comme le Nutri-Score qu'il n'y avait pas sur le paquet de bonbons que je viens de manger, mais que vous avez aujourd'hui sur votre boîte de céréales par exemple. Alors si techcafé.fr ne sera probablement pas contraint à afficher son cyberscore, qui aura évidemment été A, hein, c'est sûr, quelle note aurait été attribuée à Facebook? Quelle note on aura peut-être pour un Facebook? On se posera la question ensemble. Et puis, autre sujet, les braquages de crypto-monnaies s'enchaînent ces derniers temps. À la clé, l'équivalent de centaines de millions de dollars de valorisation en crypto-monnaies qui partent dans la nature. On va mentionner aussi ces fermes de cartes SIM. C'est des services qui vous proposent de générer des numéros et recevoir des SMS, on verra ça ensemble. Et puis on va parler aussi de l'actu de la modération sur les réseaux sociaux avec des mesures intéressantes, bien que jamais suffisantes forcément, notamment côté Twitch. Le travail de la lanceuse d'alerte, Frances Huygens, dont on avait déjà parlé et qui continue au congrès américain, de quelques errements de Microsoft, on va dire ça comme ça, pour Windows. Comme dans chaque épisode, on aura notre petite section jeux vidéo. Je suis Guillaume Vendée, des podcasters technophiles enthousiastes, et pour être sûr de passer un des meilleurs moments qui soit, je retrouve celui qui est à l'ActuTech, sous que les doudounes, les écharpes, les cache-coups et les gants sont au froid de l'hiver. Auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Pogdiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu? Exactement, ce que sont les Panda Y Pick ou bonbons Haribo, n'est-ce pas? Ah, tu me dénonces, c'est pas beau. Oui, le paquet de bonbons qui est là. Vous irez regarder, c'est les Panda Y Pick. Je pense qu'en aspect, j'ai jamais vu de bonbons aussi chimiques, comme je disais à Guillaume avant qu'on enregistre. Et pourtant, ils sont promis sans... sans quoi? Sans... mince. Sans arôme artificiel. Sans arôme artificiel, voilà. Mais bon, j'ai du mal à le croire. Bref, merci beaucoup à Benoît33 qui a déposé un avis sur Apple Podcast. Il nous dit « C'est toujours un vrai plaisir de découvrir un nouvel épisode, et ça depuis un bon moment déjà. Bravo les amis, merci à toi notre ami. » Et d'ailleurs, si l'émission vous plaît, vous le savez maintenant, si jamais on vous divertit, on vous donne un moment de sourire, mais on vous donne aussi les clés de lecture de l'information, on vous invite à retirer la pub, vous abonner sur Patreon, dans sa version privée donc du podcast, en vous rendant sur patreon.com/techcafé, et puis, bien évidemment, vous garantissez ainsi le fait que le podcast vous sera disponible très très très longtemps, patreon.com/techcafé. Merci d'ailleurs à Matt Free, Quentin Le Bihan, Tux Punk, Patrick is not the crypto champion I pretended him to be. Alors je pense que c'est le pseudo le plus long qu'on a jamais vu dans l'histoire de notre soutien sur Patreon, et je crois qu'il y a peut-être un message caché à Patrick Béja. Je sais que cette personne soutient aussi le rendez-vous tech de Patrick Béja. Lotera et Quack, vous êtes incroyables, merci beaucoup. Surveillez surtout votre messagerie sur Patreon, parce que vous le savez, si vous soutenez la page Patreon de Tech Café pendant le mois de décembre, je reverse à chaque soutien 30 euros à l'association de votre choix. Alors du coup, c'est en train de me revenir un peu cher cette histoire, mais bon, ça fait plaisir. Continuez, et ce sera évidemment avec grand plaisir qu'il y aura ces dons à des associations qui vous sont chères. Et si jamais vous n'avez pas d'asso en tête, j'ai des suggestions pour vous. Allez, sans autre forme de procès, on va donc parler de ce Nutri-Score porté à la sauce Internet. Guillaume, c'est la nouvelle proposition de nos politiques qui voudraient nous aider à y voir clair pour savoir si le site sur lequel on surfe actuellement est dangereux ou pas. Très simple, une note de A à E. Bah finalement, sur le papier, Guillaume, ça a l'air très simple. C'est une bonne idée, ça, non? Ouais. Bah écoute, oui, pour l'instant, c'est encore un projet de loi qu'on surnomme donc le cyberscore. Et il devrait obliger les services de communication publique en ligne, je cite, à subir un audit de sécurité régulièrement de l'ANSSI, donc l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes Informatiques, ce qui leur vaudrait un score qui vraisemblablement, ouais, prendra la même forme que le Nutri-Score sur ta boîte de cassoulet, quoi, donc un truc barème simple de A à E, A, B, C, D, E, quoi. Bon, il y a encore pas mal d'inconnus. Déjà, service de communication publique, ne parlons pas le juriste administratif dialectal, je suis pas tout à fait sûr de qui ça parle, est-ce que c'est Google ou simplement Skype, Facebook ou juste WhatsApp. Bon. Après, les critères sont pas encore connus, et même si on sait que l'endroit où sont stockées les données devrait être pris en compte, il va falloir que les ministres du numérique et de la consommation se mettent d'accord avec la CNIL aussi. Donc voilà, pourtant la proposition de loi est déjà adoptée, au moins en première lecture, par le Sénat et l'Assemblée nationale, alors c'est pas fini, hein. Au mieux, la loi rentrera en vigueur en 2023. Donc difficile pour le moment de se faire vraiment une opinion quand même sur cette loi, même si elle part d'un bon sentiment évidemment. Après, il faudra voir le barème et puis quelles seront concrètement les différences entre A et B, entre B et C, etc. Quoi, hein. Je suis sûr que ça a d'ailleurs posé autant de questions et de doutes que le vrai Nutri-Score. Parce que je sais pas si tu fais gaffe à ça quand tu fais tes courses. Moi, j'avoue que j'y fais pas trop gaffe. J'avais été surpris une fois de voir que des frites surgelées étaient notées A. Et en fait, j'avais compris que selon les manières dont était calculé le Nutri-Score, bah, en fait, on disait que c'était de la pomme de terre congelée. Donc, bon, A, c'était plutôt bien. Mmh. C'est surprenant parfois les résultats oui, qu'on a. Oui, oui. Non, mais moi j'y fais pas vraiment pas du tout attention même parce que je mange naturellement très bien. Oh bravo. Bien sûr. Et mon sens inné de la diététique, n'est-ce pas, a été troublé en plus par quelques exemples qui m'ont quand même interpellé parce que moi aussi j'ai vu des trucs bizarres comme ce paquet de cacahuètes grillées salées noté B. Ou cet exemple que j'ai personnellement en ce moment moi-même dans mon placard. Hein. C'est un paquet de chips, noté C. T'as été faire les fonds de placard pour l'épisode, c'est génial. Exactement, là, je t'imagine mais j'ai trouvé. Mais j'ai trouvé. Donc, sur mon paquet de chips, il est noté C. Alors, moi, je trouve que c'est plutôt indulgent pour un truc qui est à la fois trop gras, trop salé et trop calorique. Mais bon. Et qui nourrit pas, en plus. Et bah, ah, si, ça nourrit, mais bon. Oh non, les chips, ça nourrit pas. Tu pourras pas me dire que tu te nourris de chips, c'est pas bien. Ah, bah, si. Il y a les calories, t'inquiète. Mais bon, juste à côté du paquet de chips, qu'est-ce que j'ai? J'ai un pot d'olive verte. Et il est aussi noté C. Pareil que les chips. Mais les olives, c'est pas un fruit. Puis ils sont pas fourrés, rien. Hein. C'est juste, voilà, dans leur liquide amniotique standard. Bon, c'est sans doute très salé, ok, mais enfin, quand même, c'est vraiment aussi nocif de manger un pot d'olive verte qu'un paquet de chips, sérieux. Bon, je suppose qu'il y a une explication rationnelle à tout ça, mais il y a un risque de ce genre de doute ou de complexité, quand même, hein, qui va être exactement pareil pour le cyberscore. Puis je parle pas des lobbies aussi, comme celui du Roquefort, d'ailleurs, par exemple, qui s'est outré que leurs produits sont notés E, comme le dernier soda venu. Hein. Bon, je suppose que c'est mieux que rien du tout, évidemment, hein, d'avoir un cyberscore. De temps en temps, d'ailleurs, on pourra toujours s'autoriser un petit craquage, tu vois, sur un site E. Un E comme Wish, par exemple, peut-être, tu vois. On ira avec la conscience que c'est pas bien, qu'il faut pas éviter, tu vois, il faut éviter d'y laisser trop d'infos. Mais du coup, ça sera transgressif aussi, comme une sorte de Mars en plein milieu de ton régime crétois. C'est dur ces histoires de notation parce que comme tu le dis ça vient d'un bon sentiment et on a toujours envie d'aider bah, des personnes qui n'ont pas forcément les connaissances poussées sur un truc, de leur donner des clés de lecture simples, mais à être simple ça en devient probablement simpliste et il y a de quoi se poser des questions. Je pense que tout est dans ce que tu disais tout à l'heure, à savoir bah, tout dépend de ce qui fait qu'on est A, B, C, D ou E, si c'est bien les critères qui sont retenus effectivement. Mais quelque part, ça me fait penser aussi aux notations qui sont faites pour des services en ligne. Alors évidemment, c'est noté par l'utilisateur, c'est noté par les clients, mais de 1 à 5 étoiles. Et souvent, d'ailleurs, c'est assez punitif. Quand t'as pas 4 ou 5 étoiles, c'est que vraiment, en général, t'es pas bon. Bon, on verra comment ce sera décidé, appliqué, mis en œuvre. Et surtout, s'il y a les sites qui l'appliquent, parce que j'ai quand même du mal, je sais pas, à m'imaginer un Netflix qui mettrait son cyberscore sur la page d'accueil, tu vois. Bon. Ouais, mais c'est plus bon, je veux dire, c'est vrai que tu mets E sur ton site, il est E. Ouais, c'est ça. Dire, ça, tu l'affiches en gros, en plus, t'en es fier. Ouais, bon. Mon site est une passoire de sécurité, venez déposer vos informations. En même temps, vous en téléchargement, en même temps, d'avis, c'est E, mais c'est pas ça qui... Bref. Il y aura sans doute des critères, hein, en nombre d'utilisateurs, etc. Bon, bref, tout ça est évidemment de l'intention, adopté en première lecture, et on vous donnera les détails quand on en aura. Tu mentionnais Wish. Eh ben oui, Wish est un petit peu dans le feu de l'actualité en ce moment, parce que il y a eu des décisions de faire déréférencer Wish. Donc, ça veut dire le retirer des résultats de recherche organique sur les moteurs de recherche, sur Google, par exemple, et aussi sur les magasins d'applications mobiles. Guillaume, on peut que se féliciter enfin que ce service qui nous envoie des produits qui sont pas fiables du tout ne soit quand même pas trop mis en avant, enfin, non? Bah écoute, je vais le dire tout de suite, hein, moi j'ai jamais acheté de ma vie quoi que ce soit sur Wish, parce que je suis pas fou, hein, et que voilà, j'ai pas de temps ni d'argent à perdre, parce que même si j'ai pas d'expérience personnelle de Wish, c'est vrai qu'il y a quand même des centaines d'avis qui traînent sur internet, et des centaines, voire des milliers de vidéos YouTube, qui me suffisent largement pour éviter Wish comme la peste le reste de ma vie. Bon, c'est vrai que la DGCCRF, donc la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, on comprend pourquoi ils ont un acronyme, a ordonné de dégager Wish des App Store, de déréférencer au motif que cet énorme souk fait de la publicité mensongère, vend des produits non conformes et potentiellement dangereux. 90% des appareils électriques passés en revue ont été considérés comme dangereux. Et les rabais montrés sur le site sont à mourir de rire. La différence entre les photos et les articles sont parfois notables. Là aussi, il y a des vidéos YouTube, effectivement, de quoi vous tapez des bonnes barres de rire. Et la cerise sur le gâteau, c'est que la politique de retrait et de rappel de Wish est inefficace, parce que les objets finissent par réapparaître. Le cas échéant sous un autre nom, hein. Bon, quatre services après-vente, voilà. Et donc, quelle incroyable surprise. Quelle révélation fracassante et inattendue, j'en reviens pas. Oui, je non plus d'ailleurs, puisqu'il veut contre-attaquer. Il serait victime d'un agenda politique instrumentalisé, le pauvre petit. Alors c'est vrai qu'on a le droit de s'étonner de l'action de la DGCCRF, hein. On peut franchement s'étonner qu'elle se réveille qu'en 2021, parce que je rappelle que 60 millions de consommateurs avaient fustigé le site en 2018 déjà, exactement pour les mêmes raisons. YouTube déborde donc littéralement d'exemples d'arnaque Wish, je pense même que c'est un genre à part entière. Je sais pas, il y a peut-être une catégorie Wish dans YouTube. Alors ok, c'est sûr, n'importe qui peut choisir un très mauvais exemple à le mettre sur YouTube, ça fait effet loupe, hein, je suis d'accord. Mais bon... On n'est pas dans deux exemples, tu vois, il y a de gros youtubeurs qui n'ont pas du tout besoin de faire du wish bashing pour exister, qui ont testé. D'ailleurs, je me souviens d'un truc, c'est une vidéo de Linus Tech Tips, d'une charrette orientée matos, qui est assez sérieuse et pro, hein, et qui s'est dit, il y a peut-être 2 ans, un truc comme ça, tiens, montons un PC à 400 balles avec des composants uniquement achetés sur Wish. Oh. Ah oui, ça, bah oui, mais ils aiment le risque. Hein. Alors donc c'est édifiant, hein. Il y a le boîtier luxe de qualité merdique, l'alimentation non fonctionnelle, le matos d'occasion survendu, vraiment cher pour ce que c'est, SSD no name sans cash et carrément contrefaçon grossière pour la carte graphique. Et donc bon, le mec s'est fait voler 400 balles, hein, ni plus ni moins. D'ailleurs au passage, il n'y a pas que sur Wish, bien entendu, qu'il peut y avoir des trucs chelous. Donc faites attention, hein. Les SSD, ça peut être vraiment pas cher des fois, hein, sur les sites. Mais un SSD sans cache, par exemple, sans cache RAM, ça c'est typique, hein, c'est un vrai SSD, hein, il marche, mais ses performances seront tellement désastreuses que bon voilà quoi, puis sa durée de vie peut être courte. J'en ai fait moi-même l'expérience, hein, un SSD à un prix vraiment très attractif, ben, il m'a eu, voilà, et puis il a duré littéralement 24 heures. Ah ok, d'accord, on n'en est pas sur 24 mois, etc. 24 ah non, heures, non, d'accord. Vraiment, ça a été rapide. Donc au-delà des appareils technologiques, ça peut être contrefait aussi. Et c'est pas si dur en fait, hein. Il suffit d'avoir un packaging qui ressemble et de se faire passer pour ce qu'on n'est pas au niveau du driver dans Windows. Donc une clé Kingston peut être en fait un truc en carton qui va marcher, mais mettre 10 minutes à te copier un gigaoctet. Donc de fait, elle va fonctionner, mais en fait, elle sera quasiment inutilisable, tu vas jamais utiliser ça, tu vois. Et Linus, il avait commandé une GeForce 1060, et quand il a déballé, oh, mais quelle ne fut pas sa surprise. GeForce 1060 sur Wish, il est suicidaire. Bah, en plus, il a dû la payer 40 ou 50 balles, donc si tu veux, c'est l'affaire, tu vois. Mais quelle ne fut pas sa surprise de voir au cul de la carte une prise VGA, un truc qui se fait plus depuis, je sais pas, 2010 au moins. Bon, pourtant, Windows lui disait bien que c'était une 1060, hein. C'est pour ça qu'il faut vous méfier, hein. La carte était en fait une 260, une 460, un truc comme ça, mais le BIOS a été flashé pour faire apparaître une 1060. Et bon, voilà, enfin, c'est déjà plus sophistiqué que les iPhone 12 Pro à 40 balles que tu peux trouver sur Wish, et qui sont évidemment des Android bas de gamme avec des launchers stylés iOS, hein. Voilà, bon, enfin, en tout cas... Vaguement stylé. Voilà, c'est vraiment pour vous dire, bon, il faut se méfier, et bon, moi, ça, j'ai jamais testé moi-même, mais ça me suffit. Mais ça marche quand même parce que c'est pas cher. Ça me flingue un peu d'ailleurs, hein, en fait. Tu vois ce qu'on disait sur le fait d'avoir des produits durables, c'est des appareils qui tiennent un bon moment, qu'on peut réparer, upgrader, tout ça, qu'on garde longtemps pour limiter les déchets. Ben, la philosophie Wish, en fait, c'est l'opposé total. C'est des trucs de qualité pourrie qui durent 3 semaines, mais c'est pas grave parce que c'est pas cher. Ben si, c'est grave, hein, parce que voilà, c'est... Cette résignation à la culture du jetable, en fait, c'est grave, en fait. Tu vois, un jour, j'étais en rade, moi aussi, hein, j'ai acheté un parapluie à 5 balles. Il a cassé la deuxième utilisation, mais c'est pas grave. C'est vrai. C'est que 5 balles. Mais si, c'est grave. Parce que c'est pas juste 5 balles. C'est du plastique, c'est du pétrole, c'est des usines, c'est des camions, c'est des bateaux, c'est des conteneurs par milliers, c'est une quantité d'énergie démesurée pour un truc qui est, à 2 usages près, un déchet. Donc on a trouvé le moyen le plus dispendieux imaginable pour produire des poubelles. Et sur des sites comme Wish, vous faites pas des bonnes affaires, il n'y a pas de miracle. Je veux dire, un truc vendu 5 balles avec un prix barré à 50, c'est un truc que l'acheteur, enfin que le vendeur a dû acheter 2 ou 3 euros. C'est ça le business model de base, hein, de ce qu'on trouve sur Wish. Donc, et puis, bon, est-ce que tu fais des économies, t'achètes pas cher? C'est vrai, encore que. Faut se méfier. Hein, frais d'envoi, frais de douane, bon. Mais de toute façon, ça dure pas, donc si tu dois racheter à part derrière, hein, tu vois. Donc voilà, je sais que j'aurais dû faire mes devoirs, hein, effectivement, évoquer la nature de Wish, discuter s'il était un simple hébergeur ou s'il était plus que ça, expliquer plus en détail les arguments de la DGCCRF et les contre-arguments de Wish, tout ça au lieu de raconter ma life, hein, effectivement. Mais vous savez quoi, je m'en fous. En vrai, je suis honnête avec vous, les magasins comme Wish et d'autres, hein, parce qu'attends, on parle de Wish là, mais il n'y a pas que lui, hein, on peut trouver du n'importe quoi sur Amazon, sur Alibaba, j'en passe, c'est des meilleurs. Hein. Sur ces plateformes de vente, en fait, tout ça, ça me fait le même effet, tu vois, ça me déprime. Parce que le slogan Wish, c'est acheter en s'amusant. Tu te rends compte? On n'est pas trop dans la consommation responsable. C'est vrai, c'est leur slogan. Je savais pas ça. C'est acheter en s'amusant. Ouais, le slogan officiel, oui, c'était okay, et d'accord. C'est sans doute encore acheter en s'amusant. On n'est pas trop dans la consommation responsable, hein, il me semble. Tu vois, donc voilà, dépense ton argent dans des trucs bas de gamme, c'est fun. Tu t'en serviras pas, ça marchera à moitié, mais c'est pas grave, c'est pas cher. Viens t'amuser. Mais non, en fait, moi, ça me flingue. En fait, ça m'attriste profondément. Ouais, c'est achat fait en s'amusant, effectivement. Je savais pas du tout que c'était ça leur accroche. Moi, je m'attardais un petit peu aussi sur la décision de déréférencer le service. Alors, entendons-nous bien, j'ai pas de solution parfaite et je pense que quand on veut intervenir vis-à-vis de ce type de service, bah, il n'y a pas d'action idéale finalement. Mais le déréférencement des apps mobiles, le déréférencement obligatoire sur les moteurs de recherche, quand il est appliqué, je sais pas encore s'il est effectif sur Google notamment, je sais qu'ils ont mis un petit peu de temps, ou que c'est peut-être pas encore fait, j'en sais rien, mais je me dis qu'il y a quelque part un petit peu d'hypocrisie. C'est pas, encore une fois, hein, j'ai pas de meilleure solution, mais finalement, quel est l'effet induit par le fait de déréférencer Wish? Et vraiment, c'est une vraie question, je me rends pas compte. Est-ce que le fait... vraiment, je me pose la question. Une énorme part des visites sur Wish, c'est la pub sur les réseaux sociaux. Et je suis pas certain que le déréférencement empêche aujourd'hui Wish d'acheter de la publicité sur les réseaux sociaux qui t'emmène sur Wish. Et qu'au lieu que ça t'emmène sur l'app, ça t'emmène sur le site. Finalement, quel est le problème? Non, je pense que... Alors, Tu penses qu'il y a une grosse notoriété naturelle de départ? C'est intéressant. Bah, moi, je pense que... Alors déjà, effectivement, si tu fais wish.com, tu y vas toujours. Il n'y a pas de souci. Oui, c'est pas, ils n'ont pas coupé le site. C'est pas possible. Ouais. Et enfin, si, il aurait pu le bloquer niveau DNS. Oui, et puis après, il y a la possibilité de prendre d'autres DNS. Ouais, ou pas forcément une panacée non plus. Mais de toute façon, bloquer un site, c'est extrêmement compliqué. On le sait très bien. Cela dit, pour faire baisser son trafic, le couper de Google, oui, c'est une bonne... Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais une grosse partie... Je sais pas si c'est pas 20 ou 30%, mais il faudra vraiment que je le modifie. Là, vraiment, il faudra vraiment que je vérifie quelque chose. Ça, sérieusement, mais il y a vraiment une partie significative des visites Wish qui se font via Google. Ça, c'est clair et net. Même si, bien sûr, tu as raison, il y a aussi la pub hein, sur les réseaux sociaux et compagnie. Ça, c'est une grosse partie. Mais oui, ça fait, à mon avis, très mal de virer les apps et de virer Google, parce qu'à mon avis, c'est à eux deux. Oui, c'est une partie significative. Je ne sais pas si c'est pas peut-être la moitié. Enfin, faudrait regarder, mais je pense vraiment que significatif, ça fait vraiment très mal. D'ailleurs, la réaction de Wish prouve qu'à mon avis, au-delà du déficit d'image, ça doit leur faire quand même très mal. Parce que si vraiment tu veux aller sur Wish, je pense que ça reste pas très compliqué. Non, après, par contre, il y a un truc qui est positif. Oui. Mais je veux dire, même si, la personne qui n'est pas au courant et qui cherche Wish dans Google comme il le faisait avant, il va avoir... Là, pour le coup, je me disais aussi que ça pouvait avoir un effet quelque part vertueux. C'est que tout ce qui remonte, c'est les articles d'actualité qui montrent que, justement, ils sont déréférencés pour les raisons que tu as évoquées. Donc, quelque part, ça peut aussi jouer la valeur pédagogie, pourquoi pas. Cela dit, je me disais, même si ce n'est pas une solution parfaite, je vois C-Hub, par exemple, qui est un site qui met à disposition des études auprès de tout le monde, en accès gratuit, et inaccessible avec les DNS qu'on peut trouver en France. Enfin, il faut changer ses DNS, en gros, ou utiliser un VPN, comme on venait de le dire. Je me dis, pourquoi est-ce que Wish est juste déréférencé et C-Hub est carrément bloqué des DNS. Bon, bref, c'est des subtilités, mais j'aime beaucoup en tout cas le point d'attention que tu nous as fait et je suis sûr que tous autant qu'on est et parmi les auditeurs, il va y avoir plus de vigilance sur les achats à pas cher. Si vous voulez gagner de l'argent, vous le savez, il y a les crypto-monnaies qui sont une opportunité incroyable ces derniers mois, ces dernières années, à vos risques et périls bien entendu, mais il y en a qui ont souhaité profiter des bénéfices des crypto-monnaies sans passer par la case j'investis, j'essaye de regarder un petit peu ce qui monte, etc. Ils vont plus directement à la source, Guillaume. Ouais, bah, c'est vrai que quand j'ai vu la news du CAS assez spectaculaire de BadgerDAO, qui est une plateforme de finances décentralisée, j'ai pas vraiment eu envie d'en parler. Bon, c'est spectaculaire, hein, 120 millions de dollars en Ether et en Bitcoin. Enfin bon, ça a l'air d'avoir été une faille de sécurité sur l'interface utilisateur du site, c'est le truc qui arrive régulièrement, même au meilleur. Mais bon, l'actu est têtue, hein, et j'ai vu après celui de Bitmark, 196 millions, celui de MonoX, 31 millions. Je me suis rendu compte qu'en fait, on avait aussi parlé de Polynetworks, le hack à 600 millions de dollars qui s'est finalement bien terminé, mais quand même. Et cette année, en fait, des crypto-casses, c'est-à-dire des casses de crypto, voilà, de crypto-sites, il y en a eu plus de 16, avec des montants à chaque fois de plusieurs dizaines de millions de dollars. Hein. Il y a eu Liquid, 94, EasyFi, 81, Uranium, 50, Cream Finance, hacké trois fois, avec 130, plus 37, plus 29, soit 296 millions en tout, VFinance, 35, etc., j'en passe plein. Donc, bien logiquement, ouais, les plateformes de finances décentralisées deviennent un super terrain de jeu pour hackers, hein, parce que la finance décentralisée, ça permet d'aller plus vite, de supprimer les intermédiaires, et pour les hackers aussi. Donc au lieu d'attaquer quelques gros sites de banques qui sont souvent très sécurisés, dont les transferts de fonds sont ultra surveillés, tout ça, ben non, là ils ont une multitude de startups dont le cyberscore n'est manifestement pas A. voilà, et un petit phishing réussi et sur un employé, et hop, c'est fini, et militaire qu'on envoie à la lessiveuse, et après dans la popoche. C'est vachement plus rentable, si on inclut tous les casses répertoriés par Kathleen Clipanou, et qu'on rajoute les derniers en date que je connaisse de Bitmart, on arrive à un petit milliard de dollars cette année, quand même. Donc, autant dire que la sécurisation de la DeFi va être un défi. Oh, c'est beau. DeFi, Decentralized Finance, bien entendu. Vous l'aviez relevé, bien sûr. Donc voilà, parmi tous ces cas, le plus intéressant est quand même peut-être celui de Monox, donc Mono X, avec un grand X. Enfin, c'est le seul. C'est pas un gel douche. Non, il n'est pas au Monox, il est au c'est ça. C'est le seul, à ma connaissance, qui implique un bug de smart contract. Parce que bon, il n'y a pas juste l'infrastructure de la plateforme à sécuriser. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est que les smart contracts sont des logiciels, en fait. Et en tant que tels, eux aussi peuvent avoir des failles. Donc chez Monox, ils gèrent des tokens qu'ils appellent les monos, donc ouais, comme la colonie de vacances. Mais ces monos-là, ils sont utilisés comme intermédiaires pour faire du trading sur des paniers de crypto. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Voilà. Bon, évidemment, les produits de finances décentralisés vont devenir de plus en plus imbitables. Puis moi qui suis passionné de produits financiers complexes, ça vous me connaissez, je sens que ce genre de rubrique va très ça vite va me donner des maux de tête. Ah oui. Donc, mais bon, bref, le cours du mono est ajusté à la volée lors d'un trade, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, les monos qui sortent et qui rentrent sont ajustés. Donc celui qui est envoyé baisse, celui qui sort monte. Mais c'est pas censé être le même token, par contre. Sinon, tu peux faire une boucle. Et voilà, celui qui sort rentre aussi, donc tu peux faire exploser son cours avant de conclure la transaction. Et d'ailleurs, rien dans le code du smart contract utilisé par Monox ne l'interdisait. Donc c'est une faille qui a été utilisée pour récolter 31 millions de dollars quand même. Génial. Et donc on voit apparaître une nouvelle source d'emploi pour les ingénieurs en sécurité informatique. L'audit de smart contract et la recherche de méthodologies pour les rendre plus robustes en fait, de trucs un petit peu plus systématiques quoi. Donc le domaine de la sécurité informatique continue de s'étendre voilà, et de se complexifier. D'ailleurs, c'est à tel point que travailler dans son coin, c'est plus que jamais hasardeux. Hein. La preuve ultime, c'est que même le MI6, le MI6 hein, anglais, demande de l'aide. Donc M, le boss du MI6, je rigole pas, il s'appelle Moore. Bon, voilà, je pense que les Anglais sont très à cheval sur les traditions. Donc M a parlé à l'International Institute for Strategic Studies, dans lequel il a mis en garde contre les cybermenaces, alors comme d'habitude, iraniennes, russes, chinoises, voilà, et que face à la multiplicité et à la diversité des menaces, le MI6 ne pouvait plus tout faire tout seul avec les outils maison. Parce que voilà, tout se sophistique, hein, l'IA est de plus en plus utilisée dans la cyberguerre, et c'est que le début. Il dit que dans les 10 prochaines années, on verra plus d'innovations technologiques que le siècle dernier. Donc, peut-être une affirmation un petit peu hyperbolique, mais qui montre que l'agence prend les menaces technologiques futures et présenté futur très au sérieux. Et donc le MI6 souhaite faire des partenariats avec des boîtes tech, d'autres agences, parce que Q a beaucoup trop de boulot et qu'il a fait un burn-out. Ce pauvre Q. Intéressant sur la démarche et la communication, en tout cas du MI6 là-dessus. C'est osé quelque part de dire ça et de l'affirmer aussi publiquement. En conclusion de cette rubrique, on va parler de ce que je mentionnais rapidement donc en intro, à savoir ces fermes de téléphones virtuels qui permettent, pourquoi pas, de créer à la volée plusieurs comptes ou plusieurs actions qui demandent justement habituellement une authentification via un SMS pour éviter qu'il y ait des actions massives. Tu t'es penché sur cet article, Guillaume. Oui, c'est marrant. Parce que, alors, c'est vrai que la double authentification, elle va en poupe. Hein, donc parfois, elle est obligatoire, comme sur Google. Et souvent, il s'agit de recevoir un SMS avec un code sur le téléphone pour rajouter une couche de sécurité lors de la connexion. Pas que, hein, y a aussi les codes qui changent toutes les 15 secondes là, ou toutes les 30 secondes sur une application gestionnaire de mot de passe. C'est pas forcément un SMS, quoi, parfois. Ah oui, d'accord, ça peut être. Mais bon, là, en l'occurrence, on va parler de trucs envoyés par SMS, mais effectivement, ça peut être. Double authentification, c'est qu'il y a deux moyens, deux modes, en fait. C'est donc, ça. Effectivement, il peut y avoir un SMS ou autre chose. Mais bon, c'est de plus en plus répandu aussi pour la création d'un compte, tu vois. Où on t'envoie typiquement un SMS hein, pour vérifier que, déjà, que t'es bien humain, que t'habites bien dans le pays, etc. Donc c'est bien, mais finalement, c'est pas vraiment la panacée contre les faux comptes, et il y a un article très intéressant sur Vice sur le sujet. Donc admettons que pour une raison ou pour une autre, hein, tu veux créer plein de comptes anonymes sur une plateforme. Pourquoi pas ? Bon, souvent, il te faut plein d'adresses e-mail, mais ça, c'est rarement un problème. Par contre, il faut aussi souvent des numéros de téléphone pour recevoir les codes de confirmation. Alors comment tu fais ? J'ai Free Mobile. Tu sais. Prends plein de cartes SIM à 0€. Alors c'est presque ça, mais tu sais que bon, c'est un besoin, en fait, hein. Et tu sais que là où il y a un besoin, il y a un marché. Mmh. Et là où il y a un marché, il y a des prestataires. Ben, s'il n'y a pas de prestataire, foncez, ça s'appelle un business plan. Ok, d'ailleurs. Mais bon, donc, il existe des fermes de téléphone, évidemment, avec des numéros du monde entier hein, qui louent ces numéros hein, pour recevoir des SMS de confirmation pour pas cher. Ben, et alors, comment ça marche ? C'est simple. Hein. Donc, tu vas voir sur le site de 5SIM, donc 5 SIM, tout simplement, tout attaché, par exemple. Il y a une vidéo qui t'explique tout, là. Hein. C'est, voilà, t'as un numéro de téléphone à usage unique à donner à la plateforme pour créer le compte. Donc, 5 SIM reçoit le SMS de confirmation, te le relaie via le site web. Ou via une API d'ailleurs. Et puis c'est fini. Sur 5SIM, tu choisis le pays, le service que, voilà, ou, qui doit envoyer le SMS. Et les prix sont en fonction. Donc d'ailleurs, les prix sont en roubles. Pourquoi, je ne sais pas. Par exemple, le numéro français à donner à Apple coûtera 29,4 roubles, soit dans les 35 centimes. Et ça marche avec un petit peu tout le monde, Alibaba, d'Alibaba à PayPal, en passant par Blizzard, voilà. Pendant 15 minutes, tu peux recevoir un nombre illimité de SMS de ces boîtes. Ensuite, c'est fini, il faut repayer. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec autant de comptes, Guillaume, enfin ? Ben, c'est pratique, il y a plein de raisons pour lesquelles tu peux vouloir faire ça, quand même. Hein. Mais bon, c'est sûr qu'être un troll sur Facebook ou sur Twitch peut en être une. Bon, 5SIM ST, enfin, il indique qu'il est interdit d'utiliser le site pour des motifs illégaux. Bah voyons, comme dirait l'autre. Voilà, évidemment. En tout cas, moi, je ne connaissais pas du tout ce service et je suis effectivement ahuri de me rendre compte que, effectivement, je n'avais pas identifié que là où il y a un besoin, il y a un marché. Et quand il y a un marché, il y a des prestataires, effectivement. 5SIM. On parlait de Twitch, là tu le mentionnes à l'instant, ça va nous permettre de passer à une nouvelle rubrique parce que Twitch est évidemment un environnement où, bon certes on diffuse des vidéos en live, mais surtout les gens peuvent réagir. Ils ont une chatroom, ils peuvent discuter entre eux avec le streamer et malheureusement la toxicité des échanges sur les chats de Twitch n'est plus à démontrer, mais Twitch continue à vouloir bosser sur le sujet. Guillaume, et tu nous fais un point d'avancement sur ce qu'ils sont réussi à faire dernièrement. Bah, Twitch, ouais, comme d'autres, a des problèmes de toxicité. Bon, ouais, évidemment, c'est pas évident, mais bon, Twitch, particulièrement dernièrement, on a pas mal parlé effectivement des hate raids, des tempêtes d'abus hein, qui a dû subir la nouvelle catégorie LGBTQIA sur la plateforme. Bon, Twitch essaie de faire mieux, on sait que c'est compliqué. Et bon, il a quand même pris une mesure dernièrement qui, ne serait-ce que symboliquement, est assez forte parce qu'il va traquer les tentatives de contournement d'exclusion. Parce que fait un troll qui se fait jeter son compte ? Ben il en crée un autre et il devient encore plus vénère, voilà, il revient. Donc on l'a vu, c'était pas si dur que ça, hein, même avec un SMS de confirmation. Mmh. Et donc Twitch va mettre en place un nouveau signalement de ban evasion, comme ils disent, donc pour indiquer au modérateur que cet utilisateur est détecté comme ayant essayé de revenir à la charge après avoir eu son compte bloqué. Donc il sera mis en quarantaine, lui ne s'en rendra même pas compte d'ailleurs, et personne d'autre ne le verra en fait. Donc lui, voilà, il parlera dans le vide. Ce qui est assez malin, puisque comme ça, bah, il ne sait pas qu'il est en quarantaine, et donc bah, il ne crée pas un autre compte pour essayer de contourner, puisqu'il ne sait pas en fait qu'il est, donc c'est du shadow ban. Je fais une petite parenthèse, tu sais que c'est vieux comme le monde sur Facebook, ça, quand tu modères une page, tu peux masquer un commentaire, et le commentaire, il reste visible de son auteur et de ses amis. Je trouve ça génial, en fait, de dire que le troll en question est content, il a son commentaire, en plus, ils m'ont montré à ses amis, tu sais, il dit, ah, t'as vu ce que je leur ai envoyé, je les ai bien pourris dans les commentaires, et en fait, il n'y a qu'eux qui le voient. Je trouve ça génial. Excuse-moi, je termine ma parenthèse, mais à chaque fois, je suis admiratif. Ah, c'est ça, c'est une forme de shadow banning, effectivement, aussi, quoi. Et donc, bon, voilà. Éventuellement, d'ailleurs, si le mec se conduit bien, allez, il pourra le sortir, en fait, de cette espèce de shadow ban pour bonne conduite. Hein. Donc, Twitch va utiliser tout un ensemble de données côté serveur hein, pour déterminer, avec des algorithmes d'intelligence artificielle, si un utilisateur est un récidiviste de retour sous un autre compte ou pas. Donc, ça ne doit pas être si facile que ça, parce que spontanément tu te dis pourquoi pas l'IP, mais l'IP, bah, j'imagine que les trolls peuvent la changer vite. Enfin, on ne sait pas. Justement, tout ce qu'on sait, c'est que ça utilisera entre autres les caractéristiques du compte, donc oui, probablement bien sûr l'IP, la manière dont il a été ouvert, etc. Et le comportement de l'utilisateur aussi, donc dans les premiers temps, hein, parce qu'évidemment, peut-être que la détection ne se fera pas immédiatement et qu'elle se fera au fur et à mesure, on va dire. Et donc le comportement d'utilisateur sera comparé avec celui d'autres qui ont déjà été bannis de la même manière. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est que Twitch, mine de rien, admet clairement hein, que les faux comptes existent et qu'ils peuvent être nombreux et que c'est un problème. C'est pas évident, finalement, parce que les grosses plateformes, elles aiment pas trop admettre ce genre de truc. Mmh. T'es une grosse plateforme, t'as street cred, hein, quand t'es une plateforme en ligne, c'est ton nombre de comptes, en gros. Plus t'en as, plus t'es bankable. Et donc reconnaître qu'une proportion de ces comptes sont faux, enfin en tout cas qui ne représente pas plus d'utilisateurs. C'est vrai. Mais c'est aussi avoué que tes chiffres d'engagement sont peut-être un petit peu plus optimistes, hein, sont peut-être un peu optimistes, et ça c'est difficile dans le milieu, parce que évidemment, moins d'engagement, moins de motivation pour les annonceurs à faire de la pub et à te donner des sous-sous. Donc forcément, oui, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Ouais, ne serait-ce que la démarche, en fait, effectivement, de reconnaître qu'il y a un problème, même si c'est implicite, et puis c'est peut-être pas le truc qui saute aux yeux au premier abord, mais effectivement, c'est intéressant de voir qu'il le remarque. Je sais pas si Twitch, c'est vraiment une méconnaissance de ma part, je sais pas si Twitch communique régulièrement, d'ailleurs, sur son volume d'utilisateurs actifs mensuels, par exemple. Je sais que les réseaux sociaux, en général, communiquent sur ces volumes-là. J'avoue que je n'ai pas de chiffres sur Twitch en tête, que ce soit des enquêtes, d'ailleurs, ou des chiffres officiels, mais... il faudrait que je creuse. On parle des réseaux sociaux, forcément. On parle c'est pas vraiment un scandale Facebook de la semaine, c'est pas le cas, mais en tout cas, Facebook est à nouveau l'objet de conversations au congrès, le tout animé, Guillaume, par les révélations de Frances Huygens. Oui, alors c'est vrai que la semaine dernière, Frances était encore devant le congrès pour témoigner. Elle est abonnée maintenant. Ouais, c'est un petit peu ça, elle a un ticket maintenant, enfin je veux dire, elle a son badge, je pense, hein. Il y a le badge avec sa photo et Frances. Donc, en fait, le Congrès se débat pour essayer de savoir comment réformer cette fameuse section 230. Donc la 230 du Communication Decency Act, qui conditionne à peu près le web comme on le connaît aujourd'hui. On rappelle, hein, que c'est une loi de 1996 qui donne aux plateformes donc une épée et un bouclier, hein, selon la métaphore de son créateur, enfin d'un de ses créateurs. Donc l'épée, c'est celle qui leur donne la liberté de virer le contenu qui ne leur convienne pas. Et le bouclier, c'est qu'aucune plateforme ne sera tenue responsable des propos tenus par ses utilisateurs. Bon, globalement, tout le monde trouve quelque chose à redire à cette loi, en fait. Hein. Pour simplifier, les républicains n'aiment pas trop l'épée et les démocrates n'aiment pas trop le bouclier. Donc, mercredi dernier, devant la Chambre des représentants à la technologie et aux communications, il y avait pas moins de 4 projets de réforme. Accrochez-vous, je vais vous donner les 4. Donc, il y a le Protecting Americans from Dangerous Algorithm Act, le Civil Rights Modernization Act of 2021, le Safeguarding Against Fraud, Exploitation, Threats, Extremism and Consumer Harms Act, surnommé SAFE, parce que voilà, hein. Et enfin le Justice Against Malicious Algorithm Act 2021, parce qu'évidemment c'est des versions 2021. Et moi qui trouvais que les noms d'animés japonais étaient imbitables. Bon, donc, en gros, le premier et le dernier insistent sur le fait que les algorithmes sont le problème, quand les autres insistent sur le fait que la 230 ne doit pas handicaper les enquêtes ou empêcher les poursuites pour réparation, ce qui est dans le titre, c'est-à-dire threat, exploitation, extremism, etc. etc. Bon. Donc des quatre, il n'y en a aucun qui a la faveur des républicains, hein, mais un consensus est quand même possible, parce qu'il y a quand même la volonté de réformer, hein, qui existe chez les deux parties, au fond. Bon, des experts juristes témoignent aussi de l'opportunité de réformer la 230. Bon, c'est quand même une loi qui a 25 ans. C'est vrai qu'elle motive pas trop les plateformes à se bouger les fesses, ça faut quand même bien l'avouer. Donc voilà, ils sont quand même prudents, hein, tous ces juristes, parce que les conséquences sont extrêmement lourdes du moindre changement et elles seront ressenties dans le monde entier. Et bon, néanmoins, Frances, elle, réitère son appel au changement. Hein. Elle affirme aux politiques que Facebook veut les voir empêtrés dans un débat trop long sur les détails, hein, il faut pas tomber dans le piège. Et aussi qu'ils ont, hein, une occasion, je cite, hein, qui ne se présente qu'une fois par génération, de créer une nouvelle règle pour le monde en ligne. Donc oui, ça va changer très vraisemblablement, mais bon, on sait pas encore vraiment comment, même si clairement on sent que les algorithmes sont en ligne de mire. Et pour cause. Et encore une fois, je pense qu'effectivement, on avait eu cette discussion, je me rappelle, lors des premières révélations, mais on va encore souvent parler de Frances Huygens, qui a décidément beaucoup de choses à dire et puis qui est décidément aussi très écoutée. Donc, tant mieux, ça veut dire que c'est une conversation qui va se faire dans le temps avec les autorités. Guillaume, je sais tôt ou tard que ce sujet arriverait dans le fil d'une émission de Tech Café. Dans le fil d'une émission de Tech Café, forcément. Je vais te faire une confidence. J'ai une alternante, je lui fais un coucou, je bosse avec elle au quotidien, elle est vraiment très chouette, tiens-toi bien, allez, c'est une personne presque parfaite, mais elle n'a pas de AirPods, Guillaume. Et elle a un casque. elle est presque parfaite puisqu'elle a un casque filaire et elle-même disait moi ça me gonfle les trucs Bluetooth etc. Et elle m'avait partagé il y a de ça pas mal de temps déjà hein, un article qui disait grosso modo que le fil redevenait aussi tendance que ne redevenait tendance le disque vinyle. Bon, je savais Guillaume que tu remonterais ce sujet tôt ou tard. Mais oui, parce que moi, je suis super tendance, je suis cool, voilà. Mais pas cool, quand je dis cool, je suis pas juste cool. Je veux dire que je suis cool comme Lily Rose Depp ou Bella Hadid, ou Zoé Kravitz, tu vois, comme un enfant star. Mais pourquoi donc ? Pourront s'interroger ceux qui ne me connaissent pas suffisamment, pour simplement reconnaître l'évidence. Eh bien, parce que je suis depuis au moins 4 jours, ça y est, depuis 4 jours, j'ai un nouveau casque filaire pour mon téléphone, et parce que, et autre chose. Parce que ouais, il est, oui, c'est oui en plus, et autre chose, parce qu'il est jack, donc il peut se connecter n'importe où, tu vois, donc je suis super cool. Alors vous vous souvenez peut-être que j'avais pété un casque il y a 2 ans, et qu'à l'époque, j'avais essayé des écouteurs, j'avais un pète au casque ouais, il y a 2 ans, et donc j'avais eu des écouteurs Bluetooth True Wireless, donc j'étais à l'époque plutôt content, mais voyez-vous, avec les True Wireless, l'amour dure 2 ans. Et puis ensuite, l'autonomie baisse beaucoup, les contacts s'usent, les connexions se font moins promptement, et je me retrouvais à la croisée des chemins. Voilà, que faire ? En racheter d'autres ? Parce que bah, c'est pas bien cher si vous prenez pas du Apple, tu vois, et puis avoir les mêmes problèmes dans 2 ans. Ou bien aller au bout de mon propos et prendre des écouteurs filaires, sans batterie, sans connexion, sans problème. J'ai donc, comme toutes les jeunes filles chéries d'Hollywood, à ma suite, opté pour la simplicité, le durable, enfin j'espère. Et donc j'ai un casque filaire, et ben, ça marche bien, voilà d'ailleurs, voilà. Comme le vinyle effectivement, dont les ventes ne cessent d'augmenter, hein. Le casque filaire est une autre technologie obsolète, entre guillemets, qui revient et qui va continuer à venir, soyez-en sûrs, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Parce que bon, au-delà des stars, il y a les influenceuses aussi qui prennent le retour au fil, alors parfois c'est par souci des radiations Bluetooth, parce que voilà, c'est Bluetooth, c'est radio, c'est près de la tête. Autant qu'on sache, c'est une crainte qui n'est pas fondée, hein, sachez-le, il n'y a aucune preuve, je trouve aucune preuve que le Bluetooth n'avait aucun problème, les radiations sont beaucoup trop faibles. Bon, parfois c'est un atout pratique, les casques filaires sont peu chers, moins faciles à perdre, hein, ils sont toujours opérationnels, t'as pas besoin de penser à les recharger, quoi que ce soit. Ils sont aussi potentiellement plus durables, hein, voilà, pas de batterie. Et puis aussi, ils envoient un message visuel différent, ça c'est assez marrant, j'y avais pas pensé. Ils sont plus voyants, tout simplement. Donc ils marquent plus le fait qu'on écoute quelque chose, qu'on n'est pas disponible, alors que les AirPods se font oublier. Les casques filaires, ils sont bien visibles et ils marquent une barrière. Et puis les AirPods sont beaucoup trop mainstream pour être cool, tout simplement. Tu vois, ils sont aussi associés à une culture Silicon Valley, à la technofinance, tu vois, un gang costard avec des AirPods dans les oreilles qui change machinalement de modèle d'AirPods ou d'iPhone tous les ans et qui prend le métro avec ses dizaines de congénères semblables. Il peut pas être cool. C'est impossible. Pour un jeune, ça peut pas être cool. Être cool, c'est aller à rebours du mainstream. Du coup, dire non aux dernières tech, ça devient cool. Alors pour autant, c'est pas un refus total de la tech, parce que sinon il sera pas sur TikTok. Donc on verra ce que c'est en fait. Est-ce que c'est juste un effet de mode, ou est-ce que c'est quelque chose de plus intéressant ? Est-ce que c'est une affirmation d'une forme de liberté ? De choisir quelle tech on veut, quel service on veut, de s'extraire de la surenchère technologique de la spirale commerciale, du renouvellement permanent. En tout cas, sachez-le, hein, changer de téléphone tous les ans, c'est plus cool, c'est fini. Alors j'espère que très bientôt, ce qui sera cool, c'est de garder ses appareils, de les réparer, de se libérer des plateformes toxiques, voilà, de reprendre le contrôle sur ses données, de boycotter les services énergivores, voilà, tout ça, moi, si c'est ça, être cool, moi, ça me va parfaitement le cool. Et on doit quand même souligner, bon, alors, je fais l'aveu, hein, moi je suis complètement victime de ces écouteurs sans fil et j'en suis en plus très content et j'ai absolument pas envie d'à nouveau être embêté par des fils, ce que je considère être embêté en tout cas, hein, à bon ou à mauvais titre, mais il faut quand même reconnaître que du côté des plus jeunes utilisateurs de la tech, parce qu'on en a régulièrement qui nous envoient des messages, je sais aussi qu'il y a toute une frange de la population plus jeune qui n'est pas non plus que victime et que complètement idolâtre des services tels que des réseaux sociaux par exemple, hein, de manière générale, ou d'usage complètement irraisonné. Il y a aussi toute une partie de la population qui est éclairée sur la tech, à ma grande surprise, hein. Et j'ai remarqué aussi que globalement se désintéresser d'un smartphone, c'était déjà un mouvement important parmi toute une partie de la population plus jeune, et le fait d'avoir, tu vois, ton smartphone qui est complètement brisé, en fait, aux F, quoi, parce que ça permet d'envoyer un SMS et puis ça fait déjà le job, en fait. Et quelque part, c'est rassurant, je me dis. Donc, je te félicite de ton achat de casque filaire, Guillaume. Merci. On revient un petit peu doucement du côté de chez Microsoft. On a des petites choses à vous partager. Alors, une idée que je trouve particulièrement saugrenue de la part de Microsoft. On se dit, mais qu'est-ce qui leur a pris de proposer ou même d'envisager à un moment de faire ça ? Il s'agirait de proposer pour Microsoft une interface sous la forme d'une extension dans le navigateur Edge qui vous permette de faciliter vos paiements. En gros, du crédit conso, sans que vous en rendiez forcément bien compte, Guillaume. Ouais, mais c'est vrai que c'est vraiment très très bizarre, quoi. C'est, comment ça leur est arrivé? C'est ça. Incroyable. Quand est-ce que t'as l'idée de mettre ça dans un navigateur? Voilà. Mais c'est vrai que Microsoft, à un moment, on se disait que Microsoft avait changé, tu vois, qu'il avait changé drôlement même, hein, parce qu'il aimait Linux. Voilà, il intégrait au cœur de Windows. Oui. C'était beau, hein, on s'était pris. C'est l'ère Windows 10. Mais oui, exactement. Puis après, il y a eu Windows 11. Et puis ces derniers développements sur Edge. Windows 11 qui exclut des PC sans raison valable, hein, qui rend de plus en plus difficile de changer de navigateur par défaut. Ouais, qui oublie... Ils reviennent dessus, hein. Ils reviennent oui, dessus. Oui, tu as raison. J'ai vu ça aujourd'hui, effectivement, tu as raison. Ils reviennent dessus, donc... Il faut qu'on dise. En gros, vous aviez Edge qui était mis par défaut pour plein de variétés de fichiers qui représentent des pages web. Donc, il y a le .htm, .html, .ceci, .cela, .cela. Et donc, il fallait changer pour toutes les lignes. Ils sont revenus en arrière et il va être facilité le fait de ne pas avoir Edge par défaut pour tous ces détails, mais pour la navigation web en général. Bon, ok, bon, alors cette critique tombe effectivement, mais bon, c'est vrai qu'ils ont quand même tenté, tu vois. Et puis bon, maintenant ils obligent à avoir un compte Microsoft, qui intègre d'office de plus en plus d'éléments. Ah oui, aussi, t'as raison, c'est insupportable le harcèlement. sur Shadow, là, que je reteste, donc c'est Windows, hein, et quand tu lances Windows, mais le harcèlement pour que tu aies ton compte Microsoft à tort et à travers quand même. Mais oui, et puis en plus, t'as plein de trucs que tu demandes pas forcément. OneDrive ou Teams, maintenant c'est intégré. Oui. Et ça plaît pas à tout le monde que OneDrive ou Teams soit intégré. Donc, il y a un collectif qui est autour de Nextcloud qui s'est formé pour attaquer Microsoft pour abus de position dominante avec OneDrive et en Europe, carrément, alors que Slack, lui, l'attaque également, pareil, mais pour l'intégration de Teams. Donc, évidemment, Nextcloud et Slack sont des concurrents directs, hein, de OneDrive et Teams, respectivement, mais ils sont rejoints aussi par d'autres organisations et ONG. Alors, des ONG autour de l'open source, hein, voilà, donc, il y a la FSFE, ou il y a l'association LibreOffice aussi. Donc, en tout, ils sont une trentaine. Et bon, évidemment, ces plaintes rappellent inévitablement le bon vieux temps. Le bon vieux temps des années 90. Internet Explorer. Où Microsoft était évidemment attaqué pour Internet Explorer, hein, ce qui s'est résolu par le choix du navigateur. Enfin, voilà, les plus vieux d'entre vous se souviennent. Et donc, comme à l'époque, effectivement, les outils Microsoft sont forcés à l'utilisateur. C'est vrai, hein, parce que OneDrive et Teams sont là d'office, comme Edge ou Skype. Il y a une invitation à utiliser d'office. Oui, à l'utiliser d'office, Office. Et comme vous devez avoir un compte Microsoft pour utiliser Windows 11, vous avez déjà tout installé, tout prêt à l'emploi. Évidemment, on peut trouver ça super pratique. Mais quand on s'appelle Nextcloud et qu'on a un concurrent qui est installé d'office sur tous les PC du monde, on peut trouver ça un petit peu abusif. Ça peut se comprendre. Et c'est même un problème plus large, hein, puisque les parts de marché de Microsoft, Google et Amazon en matière de cloud, c'est 66%. En Europe. Les prestataires européens, eux, ont vu leur part chuter de 26 à 16%. Donc on parle de souveraineté des données et tout ça, mais bon, à un moment donné, il faut bien essayer de voir. Alors, pour Microsoft, l'avantage que lui donne son monopole sur le PC semble quand même assez clair. Hein, et que ça nuise à la concurrence selon Nextcloud, ça peut se comprendre, mais il n'est pas le seul d'ailleurs à se plaindre. Difficile de dire le contraire. En plus, Microsoft en rajoute une bonne couche quand même. Il tend le bâton avec Edge. Donc, Edge envoie des pop-up désormais anti-Chrome. Quand tu recherches Chrome sous Google, tu es dans Edge, en général, pour le télécharger. Ouais. Donc voilà, avec l'indicateur Microsoft, tu fais le truc, et il y a des pop-up désobligeantes, même parfois. Vous pouvez le télécharger si vous voulez, hein, mais c'est mal. Mais tu sais que c'est exactement ça. Par exemple, Edge, c'est la même technologie que Chrome, mais avec la confiance Microsoft. Alors, sous-entendu, Google... Ce navigateur est tellement 2008. Edge, lui, il est nouveau, tu vois. Ou bien encore, Edge, le meilleur navigateur pour faire du shopping. Attends, c'est des vrais messages que tu as traduits, là, que tu dois complètement dire. Ah oui, non, mais ça, c'est des conneries. Non, c'est pas des conneries. Je devrais dire quand je dis pas des conneries, parce que des fois, on sait pas, mais... c'est surtout avec ça, quoi, on se dit, ok. Non, c'est... Et donc, voilà, et c'est vrai que là, Microsoft a encore perdu une occasion de faire, enfin, de pas en faire des caisses, en tout cas, puisque du coup, en plus, avec le shopping, on touche justement au dernier scandale au sein même des utilisateurs Edge, hein, c'est celui dont tu as parlé, celui de Zip. Donc Zip, c'est une application de facilité de paiement intégrée directement dans le navigateur. Bah, c'est pas une extension, hein, vraiment, hein, c'est dans le code du navigateur. Ce qui est une très mauvaise idée, parce que c'est quand même une fonction spécifique, qui n'a aucun rapport avec le cœur de métier d'un navigateur, qui va faire gonfler inutilement sa base de code, et qui va augmenter encore un peu plus sa surface d'attaque. tout ça alors que personne n'a rien demandé, vraiment. Hein. Et donc, il y a beaucoup d'utilisateurs qui déplorent que le navigateur, comme ça, parte dans tous les sens. Alors, sans compter, parce que bon, en plus, tu dis c'est un crédit à la conso, absolument. Donc, comment ça marche si tu payes en 4 fois sans frais? Donc, c'est un service de microcrédit et c'est très rentable, en fait, puisque c'est 1$ par échéance. Donc, chaque fois que tu payes une échéance, tu payes 1$ de plus. Alors, évidemment, ça, c'est quel que soit le montant de l'emprunt. Donc, ça veut dire que si tu empruntes 30$, ben c'est 4$ le montant de l'emprunt. Donc, ça fait pas mal en pourcentage, tu vois. Bon, évidemment, si tu payes 1000$, ça va. Donc, il vaut mieux l'utiliser pour des grosses sommes, ce truc. Tu vois. Ou pas l'utiliser du tout. Ouais, je sais pas. En fait, je sais pas s'il est encore cool d'utiliser Edge. Mais moi, je sais que ce qui est cool, ben, c'est d'utiliser Firefox. D'ailleurs, c'est même évident vu ses parts de marché. Hein, je le déplore d'ailleurs, mais Firefox a moins de 4% de parts de marché. Ça a baissé encore alors drastiquement. Ah, mais c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Donc je vous le dis, si vous voulez être cool, ben, utilisez Firefox, puisque le Firefox n'est pas mainstream. Ce qui est mainstream, c'est d'utiliser Chrome, ou Edge, ou Safari. Et pendant longtemps, tu as recommandé Opera. C'est donc dire à quel point tu... J'ai toujours été cool. Tu as toujours été très, très cool. Bon, mais merci beaucoup, Guillaume. Mais je me demande toujours à chaque fois, qu'est-ce qui se passe, tu sais, au sein de Microsoft, quand ils font leur développement. Il n'y a pas quelqu'un, tu sais, qui leur dit, oh, les gars, c'est pas une bonne idée, ça ne faut pas le faire. Ça ne passera pas, en plus. Parce que ce soit une mauvaise idée, c'est une chose, mais ils savent éperdument que c'est une mauvaise idée qui va être identifiée par les utilisateurs. C'est ça qui est déroutant. Moi, en fait. Si tu veux, moi, je trouve que c'est une mauvaise idée pour les arguments que j'ai donnés. Après, si tu veux, point de vue de Microsoft, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui pensent que c'est une super idée parce que c'est un service supplémentaire, c'est différenciant. En fait, il faut se différencier. Je veux dire, Edge, c'est la même chose que Chrome au niveau du moteur, hein, sous le capot. Donc, il vaut bien se différencier d'une manière ou d'une autre. Alors, il y a plein de manières de se différencier et Edge se différencie déjà de plein de manières de Chrome. Mais si tu veux, il faut quelque chose qui marque aussi. Et je pense qu'il y a plein de gens qui se sont dit, bah, on va mettre des facilités de paiement directement transparentes intégrées au truc. Personne d'autre le fait. Bon, après, personne d'autre le fait peut-être parce qu'il y a des raisons aussi, mais voilà, tu vois, je pense qu'il y a aussi cette idée d'essayer de se différencier, de se démarquer avec une fonction qui vraiment rendrait les gens accro à Edge, quoi, je suppose. Ouais. Bah ok, peut-être, pourquoi pas, on n'est pas dans les équipes de Microsoft en train de réfléchir à leur développement et on n'a pas forcément envie d'y être, on est bien à notre place, je dirais, derrière un micro pour vous parler de tech et vous parler un petit peu aussi de jeux vidéo. C'est la période de la petite rubrique jeux vidéo de chaque fin d'épisode de Tech Café. Guillaume, quelle est la carte graphique star du moment pour les jeux vidéo? Eh bien, il s'agit de la RTX 2060, bien sûr. Elle est cool, elle, encore. Elle est pas mainstream. Si, elle est mainstream, justement. Mais le truc, c'est que il y a tellement rien à vendre, en fait. T'arrives à tellement à pas en trouver des cartes graphiques pour soulager la pénurie, Nvidia est allée jusqu'à ressortir le nouveau modèle de RTX 2060. Alors, elle n'est pas complètement la même que celle qu'on avait en 2019, hein, si je ne me plante pas, puisqu'elle a un tout petit peu plus de CUDA cœur, de cœur CUDA. Elle en a 2576 au lieu de 1920. Elle est cadencée légèrement plus haut et elle a 12 gigaoctets de RAM vidéo. Donc, autant dire que ça ressemble plus à une 2060 super qu'à une 2060 normale, et cette super carte graphique, vous allez pouvoir la trouver pour 350 balles, je crois, un truc comme ça. Enfin, en tous les cas, c'est une carte qui pourra faire plaisir si elle se trouve effectivement à ce prix-là, ce qui est peu probable, étant donné qu'elle se trouve déjà sur certains revendeurs à 500 balles. Ah, d'accord, ok. C'est compliqué. À ce prix-là, ça aurait été une bonne préconisation pour jouer, Guillaume? Une 2060, à 350, c'est bien. Ouais. Non, bah, une 2060, c'est bien. Après, attention, il faut voir que, bon, j'ai trouvé un petit tableau là qui montrait les différents prix. Alors, les prix officiels de vente normaux et les street price, tu sais, les prix auxquels on les trouve vraiment dans la vie et l'évolution. Et ça fait pitié, ça fait vraiment du mal, quoi, parce que, par exemple, bon, une PlayStation 5, à ton avis, donc PlayStation 5, c'est 500 balles, oui. 500 dollars, voilà, 500 dollars. À quel prix est-ce que tu la trouves en novembre 2021? Ah, en moyenne. Occasion. En moyenne, tu veux dire. En moyenne. En moyenne, donc ça prend en compte les prix à 500, donc 9. Je sais pas, tiens, 700€. Donc le street price de novembre d'une PlayStation 5 avec disque, c'est 870$. C'est-à-dire une fois et demi. Xbox Series X, c'est une fois 1,72, 856$. La RTX 3090. C'est une carte à 1500 balles. À combien est-ce que tu la trouves en vrai? Ah bah là, par contre, ça doit être monstrueux, encore plus. Bah, je sais pas, 2500 peut-être. 2947. Parce que deux fois la valeur initiale. Moi, je serais un candidat. Ça fait un sacré budget PC quand même. Ah ben, normalement, il y a la 3060. La RTX 3060, c'est une carte à 330 euros. 330 $. Donc 330 € probablement. Donc un truc, un bon milieu de gamme, mais déjà assez puissant, enfin qui personnellement d'ailleurs pourrait parfaitement me convenir. Sauf que le street price, c'est 750 $. Et en moyenne, et ça a un petit peu baissé. Le pire, en mars 2021, c'était 828. Donc ça veut dire que c'est 2,28 fois le prix. C'est le pire de tout. Je crois que la pire, c'est la AMD RX 6800, qui normalement devrait valoir 579 $ et qui se trouve à presque 1400 $ en moyenne, soit presque deux fois et demi le prix initial. Donc non, moi je change pas de carte graphique là, c'est pas possible. Et donc si les 2060 peuvent améliorer la situation, tant mieux, franchement, ça sera. Mais ce sera sans doute pas à 350 $ qu'on la trouvera quand même, vraisemblablement. En tout cas, pas facilement. Quoi. En tout cas, pour le moment, ça s'arrange pas des masses, quoi, malheureusement. C'est bien triste. Et la tristesse continue d'ailleurs, parce que, à regret, il va falloir. On n'aura plus beaucoup d'espoir d'avoir des nouvelles vidéos, Guillaume, de compilation qui me font tellement rire pourtant, de la trilogie GTA avec tous ces bugs. Ah, qu'est-ce que j'ai pu regarder des vidéos qui m'ont fait rire à ce sujet. Bah, de moins en moins. En fait, c'est vrai qu'on se rend compte à quel point. Il y en a un gros vivier déjà qui reste. Donc, ça mais va. Moi aussi, si tu. En fait, tu te rends compte. Tu apprends à l'aimer, cette trilogie. Oui! Pas du tout pour les raisons qu'ils imaginaient, je pense, les créateurs. Hein. Mais t'apprends à l'aimer, en fait, cette trilogie, parce que c'est vrai que t'as des barres de rire à chaque fois que tu vois un gif animé issu du truc. C'est... Bon, voilà. Donc, le mec qui te confie une mission et discute avec toi, il s'écarte de quelques mètres et il se prend une bagnole. Ça me fait rire. Ah mais il nous en faut peu. Non, et puis bon, il y avait un bug, effectivement, où CJ, le héros d'un des épisodes, reste dans le champ. Quoi que tu fasses, en fait, sa gueule reste dans le champ. Donc tu continues à jouer, mais il a sa gueule reste dans le champ qui bouge de manière débile. Bon, il y a voilà. Donc alors, évidemment, c'est forcément, ils vont quand même corriger une grosse partie des bugs. Donc GTA, on va voir le premier patch qui va. Or déjà, ça va résoudre le problème de la pluie qui était complètement. C'était débile. Quoi le problème de la pluie? Je connaissais pas. La pluie avait des problèmes avec avec la transparence. Je crois qu'il y avait des problèmes de transparence. En fait, la pluie, elle apparaissait pas partout. Bon, déjà, elle était dégueulasse. Elle était ultra moche. Et surtout, en plus, elle avait des problèmes de transparence ou de profondeur. Je sais plus. Enfin, c'était vraiment débile. Là, la pluie est un petit peu corrigée. Ils y corrigent aussi, apparemment, des fautes de frappe parce qu'il y en avait. Bon, pas fait gaffe, mais. Et oui, cette histoire de CJ qui face caméra, qui reste désespérément face caméra. Donc oui, ça y est, premier patch GTA Trilogy, 20 chaînes YouTube ferment, c'est dommage. Oui, YouTube s'effondre du coup, forcément. Allez, une info que j'ai remarquée avec beaucoup d'intérêt, ou une info, je ne suis pas certain d'ailleurs qu'il faille présenter ça comme une info, parce que ce n'est pas une annonce officielle, mais il y aurait de bonnes raisons de penser que très activement, Sony travaillerait sur un équivalent local pour PlayStation du Game Pass. Alors, est-ce qu'on est en droit, Guillaume, d'espérer qu'en 2022, on aurait un service à la hauteur, toute proportion gardée, hein, du Game Pass? À la hauteur, je sais pas, évidemment, mais bon, après, c'est, voilà, comme tu dis, c'est pas officiel, il y a un truc, donc un projet qui s'appellerait Spartacus, qui donc volerait au secours, sur son grand char de Sony, qui en a bien besoin, parce que le Xbox Game Pass, quand même, a pas mal de succès, donc... Ça et d'ailleurs, serait... les ventes, j'ai vu de Xbox Series S et X explosent, ont battu les PS5, hein, si je dis pas de bêtises... Il faudra que je regarde, oui, c'est tout à fait possible, hein, il faudra que je regarde. En tous les cas, ce serait probablement donc une espèce de fusion du PlayStation Plus, du PlayStation Now, un petit peu remanié. Donc, moi, bon, j'y déjà, comprends rien, leur le service PlayStation Now Plus, là, je comprends PlayStation rien Now, c'est le streaming, PlayStation Plus, c'est les jeux gratuits, le jeu en ligne aussi, bien sûr. Donc, il y aurait, dans Spartacus, d'après ce qu'on sait, il y aurait trois niveaux. Donc, le premier niveau, ce serait le PlayStation Plus. Donc PlayStation Plus standard, en fait. Le deuxième, ce serait PlayStation Plus plus un gros catalogue de jeux PlayStation 4 et au fur et à mesure de jeux PlayStation 5. Et le troisième, ce serait donc ces deux trucs-là, plus des démos, plus de démos, les jeux en streaming, donc ce qui est actuel PlayStation Now, et des classiques. Classiques PlayStation 1, 2, 3 et PSP. Attention, c'est encore comme tu l'as dit, c'est une rumeur, on n'en sait rien, mais ça paraît assez crédible. Ça donnera effectivement une alternative au Game Pass, hein, qui donne accès, comme vous le savez, à plein de jeux qui se renouvellent régulièrement, et évidemment avec des gros trucs, des gros éditeurs. Donc ouais, c'est quand même très crédible. Ça pourrait arriver au printemps prochain. Ce qui est ambitieux, en fait, parce que j'imagine que ça se met pas en place si simplement que ça, un tel service, mais probablement aussi qu'ils bossent dessus depuis un moment. Je retrouvais pendant ce temps mes petites données, là, effectivement, c'est la dernière semaine de novembre, les séries S et X de Xbox se sont mieux vendues que la PlayStation 5 à travers le monde. C'est évidemment pas forcément durable, c'est sur la dernière semaine, mais c'est intéressant à relever. Toujours dans notre rubrique jeux vidéo, et pour terminer, on a une machine qui est proposé dans la série La Switch est concurrencée par un nouveau produit. Ben voilà un nouvel épisode, sauf que c'est le Steam Deck, Guillaume, qui aura pas forcément des exclusivités. Ouais, mais alors Valve a annoncé, voilà, notre Steam Deck n'aura pas d'exclusivité. Mais j'ai pas vraiment compris qui s'attendait à en voir, en fait. Parce alors, que... effectivement, j'allais te poser la question, ça décevait qui, finalement ? C'est ça, j'ai pas compris. Parce que oui, le Steam Deck, on s'attend pas à ce que ce soit une machine exclusive. C'est ni plus ni moins qu'un PC format console qui donne accès à ta... Bah, qui donne accès à ce que tu veux, en fait, parce que tu peux installer ce que tu veux, mais bon, qui donne accès, évidemment, en priorité à Steam, au magasin Steam. Mmh. Donc, voilà, le fait qu'ils disent qu'il n'y aura pas d'exclusivité, bah, tant pis, c'est pas grave. Déjà, de toute façon, vous pourrez jouer à des milliers de jeux, littéralement, parce que la machine est vraiment puissante, en fait. Il y a quand même 16 gigas de mémoire unifiée, hein, et le GPU peut aller jusqu'à 8 gigaoctets de RAM vidéo, quand même, hein. Et donc, c'est un truc qui... c'est pas aussi puissant qu'une Xbox Series X, mais c'est vraiment très bien. Ça fait tourner Cyberpunk 2077. Donc, c'est... Et pas en dégueulasse, hein, en moyen qu'un truc comme ça. Pour une console mobile, c'est quand même extraordinaire. Donc, voilà, bon, il y a eu quelques petites nouvelles informations. Par exemple, il y aura un limiteur de FPS global qui permettra de jouer un petit peu plus longtemps si vous décidez de jouer à 30 FPS au lieu de 60, tu vois, ou ce genre de truc. Donc il y a pas mal de... Donc il y a des infos sur Proton. Enfin, tous les cas, c'est assez intéressant. Bon, je pense que le Steam Deck n'aura pas du tout besoin d'exclusivité. C'est une machine qu'on attend... que moi, j'attends vraiment pas mal de pied ferme. Le problème, c'est que... Voilà, elle a encore été... pas par par rapport à la dernière fois, mais en tout cas... Elle a été, je l'avais déjà dit, repoussée à 2022, et c'est vrai que, bon, avec ce que j'ai dit sur les pénuries de composants, j'espère qu'il y en aura plus de 12 à vendre en février 2022, quoi. Bah, précommande, hein, si tu veux être, tu veux faire partie des 10 Français qui ont un Steam Deck, peut-être, Guillaume, je te le souhaite en tout cas. Merci beaucoup pour toute la préparation de l'émission, Guillaume, forcément, et puis ces différentes chroniques qu'on a partagées ensemble. Avant de se quitter à la fin de cette épisode, je vous rappelle que vous pouvez profiter du chapitrage des épisodes. Si par exemple, tiens, le premier truc que vous voulez écouter dans Tech Café, avant tout le reste, c'est la petite rubrique jeux vidéo, et ben avec le chapitrage, vous pourriez aller à cette dernière rubrique, et puis après, si vous avez le temps, vous écoutez tout ce qu'il y avait avant, pourquoi pas. C'est possible grâce au flux privé qui est dispo sur Patreon, patreon.com/techcafé. Donc allez jeter un coup d'œil, évidemment, ça nous fera très très plaisir de vous voir nous rejoindre. Et puis, vous avez jusqu'à la fin décembre pour me ruiner des bénéfices que j'avais fait en Dogecoin en début d'année pour donner 30 euros à une association de votre choix. Si jamais vous inscrivez sur Patreon pour Tech Café, même pour un mois, hein, ça marche, vous pouvez vous désabonner un mois après. Guillaume, est-ce que tu peux nous rappeler tout simplement où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te joindre à titre individuel? Bah, j'hésite parce que maintenant je suis un peu coincé, quoi. Maintenant que j'ai un casque filaire, il va falloir que je le mette sur TikTok. Ah, j'en rêve. Le jour où tu crées un compte TikTok, Guillaume, je pense que tu peux t'attendre à avoir des centaines d'abonnés comme ça, d'un coup, même si tu mets rien dessus, je pense. Tu serais tellement attendu. Forcément. Merci beaucoup, Guillaume. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez un peu partout, là où, quand vous tapez Guillaume Vendée, il y a des résultats. C'est probablement moi. J'ai pas trouvé d'homonyme particulièrement visible. Et vous me retrouvez aussi, de temps en temps, en ce moment en tout cas, sur Twitch, le dimanche soir. Je joue à Inscription. C'est vraiment cool, Inscription. Merci beaucoup de votre fidélité. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve très, très, très vite dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous. Vous écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous enregistrons ce 254e épisode le 7 septembre 2021. Absolument pas. Le 7 décembre, mais c'est pas grave. J'ai dit quoi ? Septembre.